Les participants au séminaire scientifique international consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung ont déposé le 29 septembre les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées à l'université avant de rendre hommage.